téléphoner. Je lui téléphone. Appeler. Je l'appelle. Parler. Je lui parle. Écoutez. Je l'écoute. Regardez. Je le regarde. Sourire. Je lui souris. Écrire. Je lui écris. Attendre. Je l'attends. Embrasser. Je l'embrasse. Aimer. Je l'aime.